Il est où votre capitaine? Je suis là. Ah, vous êtes le second, vous. Le petit bateau, on peut pas, il est où? Dans sa cabine, en train de vomir ses tripes. Il a un peu de mal, qu'il y a de la mer. Intéressant pour un officier de marine. Je vous le fais pas dire. Vous avez besoin de mes gars? Ça va encore forcer cette nuit, j'ai presque tous mes hommes en bas, j'ai coupé les quatre chaudières. Ce serait pas mal d'avoir des renforts, ouais. Je vous préviens, on est des voileux, nous. Hein. On vous rappelait 1000 mètres carrés en une heure, mais on touche pas à votre saloperie de charbon. Et copier les ponts, vous savez faire? Ça doit être dans nos corps. Les gars, on se lève le derrière et on me suit sur le pont inférieur. Ah, capitaine, on nous a dit qu'on serait pas de service avant d'arriver sur le continent. C'est pas mon rafio, cette corvette. Pas envie de passer par-dessus bord pour pas un sou. Ce qui nous attend en Afrique, ça vous fera pas de mal de vous servir un peu de vos bras. Plutôt que de perdre votre solde aux cartes. Il en pense quoi, le capitaine Tréguier? Il faudrait peut-être aller lui demander. De Tréguier? Il en pense ça. Ou alors ça. Ouais, j'arrive pas à m'y faire, ces moteurs à vapeur. On est en pleine tempête et on continue à garder le cap comme s'il se passait rien. Du fou aussi, Royal. On a beaucoup perdu l'année depuis que ça cogne. On aurait déjà eu des dégâts avec la voilure. Moi, je suis d'accord avec franchement. Au vent, on lui répond à coups de voile, pas avec du feu dans une chaudière, c'est pas naturel. Et quand ces demoiselles auront fini de papoter. Allez. Allez. Capitaine Tréguier, vous êtes là? Ah, mademoiselle Villiers, quel plaisir! Excusez-moi, un instant. Ça ne me dérange pas de vous accompagner! Je souhaitais m'entretenir avec vous! Ah, vous avez meilleure mine tout d'un coup! Vous êtes bien moins verdâtre! Ah, merci! Savez-vous que le mal de mer n'a aucun rapport avec l'estomac? C'est dans l'oreille que ça se joue. Bon, l'estomac s'en mêle assez rapidement, bien sûr. Hein. Nous devrions continuer à marcher. Il n'y a rien de tel que de rester actif. Ah, la mer me tue. Pourquoi la marine, si je peux me permettre? Mon père. Ah. Vous vous plaisez à bord? On ne vous voit jamais sur les ponts, ni dans les salles communes. Vous connaissez comme moi les superstitions liées à la présence d'une femme à bord d'un navire. Avec le commandant, vous êtes le seul à m'avoir vu. Et je préfère que cela reste ainsi. Je comprends. De quoi vouliez-vous m'entretenir, mademoiselle Villiers? J'ai cru entendre que votre compagnie allait accomplir une mission dans le Balwango. Vous allez débarquer au comptoir de l'Ibongo, n'est-ce pas? J'ai bien peur de n'être pas autorisé à vous divulguer quoi que ce soit sur les raisons et les détails de notre mission. Secret d'État. Excusez-moi. Que disais-je? Secret d'État. En effet, je suis tenu à la plus stricte discrétion. Nous allons au même endroit, donc je vous verrai probablement descendre du bateau. Tout à fait exact. Ce secret-là, vous pouvez le connaître. L'Ibongo, donc. Vous allez vous équiper là-bas et recruter des hommes pour votre expédition? Je ne dis pas que c'est ce que nous allons faire, mais c'est le meilleur endroit possible. Vous ne croyez pas? Oh, si, c'est un excellent choix. Vous connaissez le Luango? Bon, indirectement. Mon père a des intérêts commerciaux au Sénégal, et il assure que l'avenir se situe plus au sud. Il dit même que le fleuve Congo est le nouvel Eldorado. Qu'en pensez-vous? Fleuve Congo? Le fleuve Congo, dites-vous? Mais personne, aucun Européen ne l'a jamais encore exploré. Jusqu'à maintenant? Tout va bien, capitaine? Vous êtes d'un verre? Attendez. Respirez ça. Ah, merci beaucoup. C'est remarquable, cette mixture. Menthe et lavande en distillation lente. J'ai une passion pour la botanique. Quelle coïncidence. Je suis moi-même un féru d'histoire naturelle. Je suis particulièrement fasciné par les orchidées. Votre voyage en Afrique, c'est pour cela? Si seulement. C'est mon plus grand désir, mais où voulez-vous que j'aille, seul, par mes propres moyens? Non, j'ai été envoyé en Afrique pour recouvrer une somme d'argent considérable que je peux réinvestir comme bon me semble. Il n'est pas opportun, apparemment, que cette fortune revienne sur le territoire français. Bien. Et que puis-je faire pour vous? Je me sentirai plus en sécurité avec une escorte pendant la transaction. Une escorte fiable, composée de véritables patriotes, dirigée par un homme de qualité. Ce n'est pas dans mes ordres de mission, et je crains fort que... Rappelez-vous, capitaine, que je ne suis qu'une femme. Je peux sentir votre flacon? Je vous l'offre, il vous sera plus utile qu'à moi. Ça fait un effet fou. Tout bien pensé, nous pourrions dégager un peu de temps à Libongo pour vous accompagner. Nous servons les mêmes intérêts, après tout. Parfaitement. Les mêmes intérêts. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je me sens soulagée, capitaine. Il faut que je trouve un moyen de vous remercier. Je pourrais peut-être... Je viens d'avoir une idée d'investissement. Une idée qui devrait vous intéresser. Je vous écoute. C'est beau, n'est-ce pas? C'est beaucoup plus construit que je ne le pensais. Ne vous méprenez pas. Depuis que nous avons dépassé Saint-Louis, nous n'avons longé que les villages de pêcheurs et 3 missions portugaises. Il y a, paraît-il, des royaumes prospères et quelques grandes cités. Mais elles sont toutes loin des côtes. Les peuples d'Afrique ne semblent pas attirés par les voyages en mer. Cela vous étonne? La traite, oui, bien sûr. Je ne pensais plus à cette effroyable histoire. Il serait bon de ne pas l'oublier si rapidement. Vous êtes un humaniste, capitaine. C'est de plus en plus rare. Ma mère affirme que j'ai un siècle de retard. Elle a raison. Au train où vont les choses, nous serons bientôt gouvernés par des machines à vapeur, et chacun aura un prix évalué en livres sterling. Je ne comprends pas ce que vous espérez trouver sur ce continent. La France y a perdu quelque chose de précieux, je vous l'ai déjà dit. Ouais, je connais suffisamment nos amiraux pour me douter qu'il y a autre chose. Un nouveau monde, peut-être? Pour ma part, je n'aime le monde que vu du pont de mon bateau. D'ici, tout est plus beau. Même ma femme. Je ne l'aime jamais autant que lorsque je la vois dans ma lorgnette. Moi qui navigue, elle sur le quai. Nous différons en cela. J'ai besoin, je crois, de sentir la vie bruisser autour de moi. Qui sait ce qui se trame derrière ce mince liseré jaune? Quel monstre abrite ces immensités forestières? L'océan, lui, a au moins l'élégance de garder ses secrets sous la surface. Je vous promets de me méfier des monstres, commandant. Pour commencer, je vous conseille de vous méfier du drôle de bonhomme qu'on vous a assigné comme second. Le temps que vous avez passé dans votre cabine pendant la tempête n'a pas été perdu pour tout le monde. Nous avons reçu nos ordres de mission de très haut. Je ne m'inquiète absolument pas quant à la loyauté du capitaine Gabar. Puisque vous le dites, surveillez tout de même ce qu'il met dans le crâne à peine adulte de votre poignée de soldats. Umungu qu'il s'appelle. Et il étend son emprise sur toute la forêt du Congo. C'est Umungu, capitaine. Umungu, c'est une sorte de sorcier. Un sorcier, chef de tribu, on ne sait pas vraiment. Démon, peut-être. Démon. On l'a vu accomplir des prodiges. Les nuits sans lune, il réunit ses hommes par centaines, par milliers. Ils enduisent leurs corps nus d'un onguent qui les rend presque invisibles. Et vont chasser ensemble leur proie préférée. Leur proie préférée? La femme humaine. Jésus-Marie, Mère de Dieu. Plus sa peau est claire, plus elle est appréciée. Mais il n'y a pas qu'Umungu et ses adeptes. La plupart des guerriers nègres sont cannibales. Ils croient s'emparer de la force de leurs ennemis en consommant leur chair. À ta place, je ne boirai plus que du bouillon, Fruchard. Il faut te sauter dessus, sinon. Mais espèce d'abruti, je vais t'apprendre, fils de... Soldat! Personne ne vous fera de mal, et certainement pas un de ces sauvages. Si nous restons disciplinés, si nous n'oublions jamais qui nous sommes et d'où nous venons, nous ne craindrons rien. Et je ne vous abandonnerai jamais. Même s'il m'en coûte la vie. Est-ce bien clair? Oui, capitaine. Oui, capitaine. Bonsoir, messieurs. Tout se passe bien, capitaine Gabar? Vous profitez de votre dernière soirée en mer? Tout est parfaitement en ordre, capitaine Tréguier. Les hommes et moi avons hâte de fouler le sol africain. Ah, vous m'en voyez ravi. Bonne nuit, soldat. Bonne nuit, capitaine. Je suis juste venu vous dire que j'accepte votre proposition, même si les mensonges qu'elle implique me mettent mal à l'aise. Vous pouvez encore renoncer, capitaine Tréguier. Je comprendrais parfaitement que vous ne vouliez pas vous encombrer... Jamais de la vie. Grâce à vous, cette expédition va enfin prendre la dimension scientifique dont je rêvais. Je vous laisse. Nous nous reverrons à terre et sous une autre apparence. Enfin, ce serait facile à reconnaître, évidemment. Au où vous écriviez. Non. Si, mais rien d'intéressant. Du courrier à ma famille. C'est drôle. J'écris moi aussi. À ma mère. Une sorte de journal. Nous écrivons donc. Encore un point commun. À bientôt, mademoiselle Villiers. À bientôt, capitaine. Avec elle, cette mission prend un sens différent. Il ne s'agit plus seulement d'une expédition militaire en milieu hostile, d'un acte de bravoure patriotique, d'autant plus ingrat qu'il ne sera jamais rendu public. Nous serons deux à l'affût des découvertes que cette terre vierge peut offrir à notre connaissance du monde. Et que ne peut-on faire à deux ? Quelle joie d'offrir à cette âme admirable la possibilité d'accomplir un rêve que son état de femme lui interdit d'atteindre. Elle vous plairait, chère mère, dès le premier regard. Elle incarne, par une audace qui perce à travers la réserve propre à son sexe, la quintessence de la femme française. Mon prochain courrier portera l'odeur des essences africaines. Votre Corentin. Post-scriptum. J'ai découvert dans mes malles l'exemplaire des métamorphoses que vous y avez glissées. Grâce à vous, et à Ovide, je pourrais me préparer à la possibilité de ma transformation en chimpanzé. Je vous en remercie. À l'attention de Monsieur François Kuipers, directeur du Télégraphe Wallon, Bruxelles. Intégré à l'expédition avec une facilité déconcertante. Leur capitaine est unique en son genre. Jamais rencontré un pareil ahuri. Débarquons demain. Espère que les fonds sont disponibles à Libango. Vous enverrez les deux premiers articles une fois récupéré l'argent. Les Français sont vraiment des cloches.